De Canal B sur antenne du 94 MHz. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asie le plus sûr. J'espère que la diffusion en herzien ne va pas planter. Canal B qui a profité de la trêve des confiseurs pour se refaire une jeunesse avec un tout nouveau son en 5G, en fibre optique s'il vous plaît. Voilà une nouvelle révolution sonore sur l'antenne du 94 MHz. La première depuis le passage à la stéréo en 2006. Je crois que c'était le 22 novembre, très exactement. J'en profite aussi en ce début d'année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous et à tous vos proches, évidemment. Et je vous rappelle aussi que le programme est entièrement podcastable sur le site asile35.blogspot.fr ou à partir du mixcloud.com/renman. Vous pouvez retrouver l'intégralité des playlists et aussi pas mal de bonus à l'image de l'émission de la semaine dernière, le palmarès de l'année révolue, une émission de 3h36 qu'on vous a postée sur ces mêmes plateformes. On attaque avec une formation américaine, un peu dans le registre de nos camarades de l'émission Kérosène, le groupe Shadow in the Cracks, qui est le projet de deux frangins de Minneapolis, Jim et Mike Blaha, du groupe The Blind Shake, un side project donc, mais pas des moindres, deux guitares dont une baryton en mode basse et une batterie pour un genre d'avant-punk garage très primitif, un tantinet psyché aussi sur les bords et surtout très énergique et assez viscéral. Bref, du rock'n'roll une fois n'est pas coutume dans l'asile le plus sûr, mais une sacrée galette tout fraîchement sortie des fours de Goner Records, label de Memphis, Tennessee, et on démarre avec le titre 800 meters par Shadow in the Crack. We'll be right back. Séquence tout en mesure et retenue pour bien démarrer l'année 2016 sur l'asile le plus sûr, avec tout d'abord Shadow in the Cracks, cette formation de Minneapolis, trio de guitare et batterie, et ce disque éponyme très très bon sorti sur Goner Records, sorti à la fin de l'année dernière. Et c'était enchaîné avec le retour du combo parisien de Fabrizio Rat, le claviériste, après des disques consacrés à des covers de Terry Riley, de John Cage et autres Steve Reich. Ils reviennent aussi avec un disque publié sur Sub Rosa, consacré cette fois au fameux viking de la 6ème avenue, monsieur Louis Harding, Mr. Moondog, et en compagnie de deux chanteuses d'origine suédoise, Linda Ola et Isabelle Sorling. Alors autant vous dire que c'est un peu moins pire que ce que j'imaginais. C'est quand même assez doucereux, un petit peu néoclassique, et des vocaux un tantinet trop sucrés à mon goût, mais les arrangements et l'invention sonore est quand même au rendez-vous de ce disque Moondog par le Cabaret Contemporain. Un disque qui est quand même un tantinet en dessous de la réinvention des thèmes de Moondog par les Italiens Dobo Combo, qu'on vous avait passé aussi au mois de décembre, notamment leur nouvelle cassette très très bonne publiée par Stone to Death. Mais un disque assez honnête, bon, ce Moondog par le Cabaret Contemporain, une production du label Sub Rosa. Et on va enchaîner avec un autre disque publié ces dernières semaines. Il s'agit du grand retour du duo de Manchester créé au début des années 90, les Spaceheads, constitué des protéiformes Richard Harrison aux percussions et Andy Diagram, le trompettiste amplifié qu'on a connu aussi comme membre des Two Pale Boys aux côtés de David Thomas, qui sont défunts si je ne m'abuse. Et Spaceheads qui reviennent donc avec un nouveau disque long et très très long sous le titre A Short Ride on the Arrow of Time, sorti sur Electric Brass Records. Ils n'avaient pas publié d'album long depuis 7-8 ans, depuis leur disque qui était sorti sur le label de Philippe Petit, Bebop Records. Ils avaient juste sorti des EP, ce qui leur va plutôt bien aux gens de Spaceheads. D'ailleurs, on pourrait considérer que c'est en fait presque 4 EP réunis, 4 longues pièces de 20 minutes, et enfin 3 sur le CD et une quatrième sur le double vinyle. Mais je propose d'écouter le premier continuum sonore de 20 et quelques minutes qui démarre ce A Short Ride on the Arrow of Time par Spaceheads. Thank you.

Et bien une fanfare un peu futuriste pour démarrer cette nouvelle année, et on l'a trouvé en la personne des Spaceheads, le duo protéiforme britannique, avec ce A Short Ride on the Arrow of Time, entre musique un peu patoukada et une sorte de banda un peu révolutionnaire, avec ce disque donc publié par Electric Brass Records, deux longs continuums de 20 minutes chacun, musique vraiment plutôt énergisante pour ce début d'année, ce qui me rappelle aussi un vague souvenir de concerts quand ils étaient passés au bar en transe. Alors je crois que c'était à la fin des années 90, je me souviens les avoir vus, je crois que c'était au bar de la Cité, ils avaient dû jouer aussi au regretté bar le 1929, le Spacehead, l'audio entre Richard Harrison et Andy Diagram et sa trompette maléfique. Voilà donc pour cet excellent disque, et on va enchaîner avec une nouveauté complète et un total inconnu en la personne de monsieur Damon Simon Aaron, qu'on nous présente comme un producteur assez polyvalent, et notamment avec son projet Contact Field Orchestra, avec lequel il a déjà sorti deux disques longs en 2013 et 2014. Je crois que ça s'intitulait Volume 1 and Volume 2, qui tiraient leurs propos de cassettes qu'il avait trouvées de chants de mineurs, de chants de lutte de mineurs aux États-Unis, puisque je crois qu'il est américain, et il vient tout juste de revenir avec un EP sous le titre Mapping the Futures sur le label Gone By. C'est un mini CD ou un LP 25 cm, une petite galette de 20 minutes. Il y a un titre bonus d'ailleurs sur la version CD de ce disque Mapping the Futures Gone By par Contact Field Orchestra. Et c'est sorti, maintenant que je retrouve mes petites tablettes, sur le label de Los Angeles Hit and Run. Musique un petit peu exotica, il y a un petit côté de bison, pas mal de traitements des instruments percussifs de manière assez jouissive. Je propose d'écouter le titre Starstruck Canopy sur le disque Mapping the Futures Gone By de Contact Field Orchestra. séquence en hyper stéréo et mondiovisio sur l'antenne du 94 MHz ou sur le blog de l'Asile le plus sûr, asile35.blogspot.fr, qui a démarré avec l'excellent disque mini-album Mapping the Futures Gone By et par le projet Contact Field Orchestra, qui est un projet à géométrie variable, mais plutôt un projet d'un seul homme qui s'entoure de différents musiciens américains. Donc mini-album et un thème plutôt éthiopien, ce qu'on a pu entendre. Le disque est vraiment réussi de bout en bout et on a enchaîné la musique du Contact Field Orchestra avec celle de Pierre Bastien et son tout nouvel opus sous le titre Blue as an Orange, qui est sorti à la fin de l'année 2015, publié par l'excellent label de monsieur Rabbi Beyeni, Morphine Records, qui sort à peu près 5-6 très très bons objets vinyliques par an. Celui-ci ne déroge pas à la règle avec cette très belle couverture de Nathalie Dupasquier. Et quant à la musique, c'est assez typique de celle du musicien expatrié à Rotterdam. Donc toujours des moteurs de mécano, sa trompinette de poche bouchée ou parfois glougloutante, et un dispositif de projecteur, et comme toujours des thèmes un peu nostalgiques avec un rapport au jazz assez distancé et aussi aux musiques ethniques revisitées. Donc on a entendu le thème OO, extrait de ce Blue as an Orange de monsieur Pierre Bastien, et on va continuer toujours dans ce registre un peu de l'Afrique fantôme avec la formation Rien Virgule, qu'on avait découverte l'an dernier en concert. C'était un concert à la Maison de la Grève, chez les camarades de la Maison de la Grève. Rien Virgule, qui est une formation de musiciens autour de Bordeaux, mais aussi la Dordogne, dans lequel on retrouve notamment le percussionniste Mathias Pontevia, les électro-acousticiens Jean-Marc Reya et Manuel Duval, qu'on connaît aussi comme membre de France Sauvage, et Anne Carey, qui est au texte et voix et aussi ambiance électronique. Le premier disque qu'ils viennent de faire paraître s'intitule 30 jours à grande échelle, encore une très belle pochette, plutôt dans le registre un peu ethno fantasmé, et c'est publié par une cohorte de labels dans laquelle on retrouve le propre label de monsieur Manuel Duval, La République des Granges, ainsi que sept autres qui répondent au nom de Animal Biscuits, Attila Tralala, Microlab, Phase, Les Potagers Nature sont bien évidemment de la partie, ainsi que Do It Youssef. Et je propose d'entendre sans plus attendre le titre Trafic de masque par Rien Virgule. fighting lost in the fog of the darkest of despair. Turn turtle, fate breaking open a pit. I want you to care about this. I want you to care about yourself. Earth geography, topography, the bag of your business. Séquence de musique électronique un peu fracassante sur l'antenne du 94 MHz dans l'Asie de l'Opus-sur qui a démarré avec la musique cosmique et un peu psyché de Rien Virgule et ce disque 30 jours à grande échelle que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement sur la République des Granges ou les soutenir en achetant le vinyle coproduit par 8 labels au total. Ça coûte à peu près 13 euros port compris avec une excellente pochette, une très très belle de très très beaux visuels en recto et en verso. Et on a enchaîné avec la musique de Consumer Electronics, le fameux projet de Arch Noise électronique de monsieur Philippe Best, qui existe depuis le début des années 80, lui qui fut membre aussi de White House et qui continue à se produire dans des shows où il vocifère de la sorte, aux côtés de sa compagne Sarah Frölich, qui a rejoint la formation ces dernières années et qui est une sacrée recrue de choix. Elle aussi bugle dans un micro à qui mieux mieux sur certains titres de ce nouvel album de Consumer Electronics, Dollhouse Songs. C'est sorti sur l'excellent label Harbinger Sound, label britannique dédié au punk noise un peu arch et autres joyeusetés du même genre, et aussi qui produit également la musique des hip-hopeux très énervés Sleaford Mods. Et Consumer Electronics qui sort à présent à peu près un disque par an, c'est plutôt une très très bonne chose. Il n'y a pas vraiment de musique un peu comparable à ce Power Electronics, vu que White House est défunt depuis quelques années et que monsieur William Bennett a un peu raccroché les gants pour une musique électronique beaucoup plus ciselée et totalement différente. Et on a terminé avec la musique de Surism, qui est un collectif, je crois, de monsieur Jan Patterson, qui existe depuis 2008, Surism Manifesto, avec ce titre dans lequel on entendait la voix de Gilles Deleuze parlant du cinéma, peut-être dans sa conférence à la Fémis, qui sait. Et ce titre de Surism se retrouve sur une compilation du magazine britannique The Wire du mois de janvier, un sampler consacré à l'excellent label All Real On Music, label qui est basé à Philadelphie, entre Philadelphie et Brooklyn, et qui produit des choses plutôt pas mal depuis quelques années, notamment Pas Musique, voilà, que je vous avais passé aussi il y a de ça un an et demi, ce qui m'avait fait me donner l'occasion de découvrir le label All Real On Music. Et donc pas loin de 17 ou 18 morceaux sur ce sampler du magazine The Wire, dans lequel on retrouve notamment un titre inédit de Aaron Moore de Volcano The Bear, par exemple. Donc une compilation, évidemment un magazine très recommandable auquel vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Il n'est pas forcément très facile à trouver en kiosque et ça permet d'avoir les samplers gratuits pour les abonnés. Voilà, on va continuer avec la musique électroacoustique un peu vintage, un peu d'obédience groupe de recherche musicale. Il s'agit de celle de monsieur Jacques Lejeune, qui n'est pas très connu dans l'écurie INA GRM. On lui avait consacré un triple CD, une anthologie de ses œuvres entre le début des années 70 et le milieu des années 80. C'était un coffret qui s'intitulait Parage, un Haver Electroacoustic Works, qui était sorti sur Robot Records l'an dernier, enfin en 2013 très exactement, dans lequel on retrouvait ces pièces qui l'ont rendu un peu célèbre, telles que Blanche-Neige ou encore Symphonie au bord d'un paysage. Et le label Robot Records vient tout juste de sortir un 33 tours avec une pochette assez dantesque d'ailleurs, avec trois nouvelles pièces de monsieur Jacques Lejeune, des pièces de jeunesse d'ailleurs de monsieur Lejeune, entre 69 et 70. Sur la façade, une pièce de la fin des années 60, un peu d'inspiration mai 68, avec de l'électroacoustique et des bruits de foule en délire. Et sur la face B, deux pièces, dont la pièce Géode que je propose d'écouter tout de suite, de 1970, qui avait été créée à partir de percussions retraitées et données une première fois à la Cité universitaire de Paris, je suppose, et recréé après le 27 novembre 1970 à la Maison de la Culture de Bourges. On écoute la musique de monsieur Jacques Lejeune avec ses pièces de jeunesse. Voilà donc l'avant-dernière séquence de l'Asile le plus sûr qui a démarré avec les pièces électroacoustiques de l'époque 69-70 de Jacques Lejeune, publié par Robot Records en vinyle, qui était enchaîné avec un excellent quartet mené par Monsieur Bill Nace, qui est le guitariste qui joue avec aux côtés de Kim Gordon dans Body / Head, l'excellent duo et qui produit des choses très très bonnes dans le domaine du jazz contemporain et free sur son propre label Open Mouth. Et là, il est aux côtés du trompettiste Greg Kelley, du saxophoniste Wally Shoup et du batteur percussionniste Greg Campbell. L'album s'intitule One Hand to the Other et c'est sorti en vinyle only, comme la plupart de ses productions Open Mouth. Voilà donc, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist et la podcaster aussi, l'émission, sur le site site asile35.blogspot.fr. On se quitte avec un dernier titre de Mathias Delplanck, l'électroacousticien nantais, extrait de son dernier disque Drachen, publié sur Ici d'ailleurs, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, le label de Nancy. Et il s'agit d'un disque composé à partir de pièces enregistrées au Burkina Faso lors d'une résidence de création en 2008. On se quitte avec la partie 3 de ce Drachen. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. exact. À l'heure de me coucher, à l'heure de nous coucher, c'est-à-dire à l'heure de nous coucher, j'ai voulu fermer la porte à grille, la porte de la grille, à clé. Et c'est en me retournant que j'ai aperçu un phénomène, ou du moins pas un phénomène, mais c'est-à-dire que je croyais que c'était auparavant, un cultivateur qui labourait son champ. J'ai dit, venez de voir qu'est-ce qui se passe là. Alors, c'est au-dessus du cimetière, c'est peut-être un feu follet. Oh non, ce n'est pas un feu follet ça. Alors c'est arrivé au-dessus du cimetière, mais quelque chose... incompréhensible, quelque chose qui est tout à fait gros, quoi, pour ainsi dire. Vous savez, moi, d'après mon idée, ce sont des gens qui viennent d'une autre planète chez nous et qui sont beaucoup plus instruits que nous. Thank you. $5. The money will help pay for boats to take food and other supplies to areas of East Pakistan hit by a violent windstorm last year. The United States is also studying ways to help Pakistan rebuild waterways in East Pakistan. Service de Provençal, sans plus,